Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et à 23h. Cette semaine, Où va l'humanitaire ? Une série de Michel Pomarède réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a l'image de jeunes médecins français triomphant, le sac de riz sur l'épaule, le souvenir de refrains entonnés par des stars, des photos d'enfants au ventre gonflé et heureusement, il y a aussi ceux qui aident, ceux qui en ont besoin, malgré les dérives, les scandales et parfois les ratages. Alors pour commencer, les personnages. Un homme qui débriefe, un président qui fait le point, des prisonniers évadés, des migrants menacés, des communicants qui cherchent les bons termes, un fondateur de MSF qui s'interroge, un médecin de retour de Libye, une femme qui débriefe, une ancienne avocate prête à partir et une autre au franc-parler. Ensuite le décor. Des milices, des barrages, des routes dangereuses, des famines utiles, de l'argent qui disparaît, le Yémen, des hôpitaux détruits, des questions de culpabilité, Ebola, des perfusions, du colonialisme, des abus sexuels et des situations de faiblesse. Aujourd'hui, premier épisode, on prépare le départ. Je pense à une heure, non? Ouais, c'est 2 heures avant le... Ouais. Tu décolles où? Quel terminal? Trois, six. Deux. Où va l'humanitaire? Michel Pomarède, Vincent Deck. L'ordi est là. Médecins sans frontières. Réfléchir avant d'agir. Et tu vas en tant que quoi là-bas? Chef de mission. Waouh! Yes! Bon? Moi, je suis déjà là-bas depuis 6 mois à peu près. Ah ouais? Ouais. Je croyais que t'étais au Liban. Ah ouais, non, mais ça c'était. Ah ouais. Il y a 6 mois, j'étais au Liban. Ok, d'accord. Et ça, et voilà, et le certificat de don? Oui. Quand tu arrives à. C'est où? À Amman? Amman, ouais. Voilà. Super. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Yes! Depuis 1971, date de création de MSF, les équipes médicales de l'ONG se déploient sur tous les terrains d'urgence avec un double objectif, comment mieux soigner et comment témoigner plus efficacement. Au siège parisien de l'ONG, ça débat, ça discute et ça critique à tous les étages, et notamment à celui du CRASH, le centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires rattaché à MSF. Alors oui, ici, on se pose des questions très souvent avant le départ, mais au retour aussi. C'est Khaled qui venait jusqu'à la frontière. Donc tu ne peux pas passer même si tu as le visa, tout ça. Tout ce qui était interdit avant, aujourd'hui, devient presque un sport. C'est-à-dire que tu ne mets plus la ceinture de sécurité, tu t'arrêtes plus au feu rouge, tu roules, allez, vas-y, il n'y a plus de plaque d'immatriculation. Enfin, c'est un petit peu... Bon, enfin, voilà, quoi. Tu as fait un an. Bah oui. Ça passe vite. Oui. J'ai voulu venir. Je suis allé 2 fois, tu oui. sais. Oui. J'ai vu ton remplacement. Christophe Bito, chef de mission Libye, de retour à Paris depuis 15 jours, dans le bureau du président de MSF, Mégot Terzian. Bon, sinon, la situation à Tripoli, c'est quand même pas facile, hein, depuis mi-août, quoi. Mm. Les milices se tirent les unes sur les autres pour des questions de financement, quoi. Donc, moi, jusqu'à ce que je parte, il y avait eu 150 morts déjà, quand même. Hein. Et puis du coup, les centres de détention tenus pour certains par des milices se retrouvent un peu... Les mecs, ils sont barrés de se battre et les trucs restaient fermés, là, avec les gars à l'intérieur, quoi. Donc, quand tu veux rencontrer les acteurs principaux, les autorités, les choses comme telles, en tout cas pour la partie ouest, il faut être à Tripoli. Si tu y es pas, parce que tu rencontres tout de suite les personnes clés, quoi. Ça veut pas dire que le résultat est fantastique, hein, parce que c'est un contexte où, de toute façon, on avance d'une manière, mais très, très, très, très lente, parce qu'il y a sans arrêt, des revers, des difficultés pour poursuivre les activités. Mais moi, je pense que d'être à Tripoli nous donne plus de crédit. Pas mettre toute la corde. On a un petit bureau, mais qui n'est pas la coordination. Si tu veux. La coordination est toujours à Tunis, mais on va dire que c'est une coordination avancée, qui nous permet d'y aller régulièrement, de rencontrer des acteurs, de filer sur Misrata ou sur Bani Walid. Par la route. Et puis de retourner sur Tunis quand il le faut. Et l'accès de Misrata à Bani Walid, on ne peut pas prendre cette route, elle est blacklistée. Il n'y a pas longtemps à Bani Walid, il y a eu aussi un mec qui s'est fait descendre par un drone américain, quand même. Hein. Aussi. Hein. Donc on nous dit qu'il n'y a personne de l'État islamique à Bani Walid dans la ville. Bon. Mais il faut qu'on ait aussi des médecins internationaux sur Bani Walid pour s'occuper des migrants quand ils sortent de ces consultations. Même si on est extrêmement... On ne peut pas dire qu'on est extrêmement pertinent. On voit peut-être 10 mecs par semaine, tu vois. On fait une vingtaine de consultations, grand max. Et tu as peut-être 4, 5, 6 000 personnes qui sont enfermées autour. On a eu 150 évadés d'une prison clandestine en mai, quand j'étais là-bas, fin mai, le 23 mai. 150 mecs qui se sont barrés. Ils ont profité du ramadan. Ils ont tiré sur eux. Les migrants qui se sont évadés nous ont dit qu'il y avait eu une quinzaine de morts derrière eux, mais là, les Libyens ont dit c'est pas possible, il n'y a pas eu de mort. Ils sont réfugiés dans une mosquée, protégés par l'imam. Donc là, il y a ce respect, les trafiquants ne sont pas allés chercher à l'intérieur de la mosquée. Mais le lendemain, ils ont été transférés dans un centre de détention à Tripoli. Depuis le 23 mai, les mecs, ils y sont toujours, quoi. Ils n'ont même pas pu être évacués par le HCR. Rien, quoi. Ils sont tous érythréens, somaliens, éthiopiens. Tous des demandeurs d'asile potentiels. 50% sont mineurs. Ils ont tous été torturés. Ils ont des marques de torture, d'électrocution aux parties génitales. Ils étaient brûlés. Ces mecs-là, même ça, tu vois, le victime de trafic humain n'a même pas suffi à pouvoir les faire évacuer de manière à ce qu'un pays d'Europe les récupère. Quoi. C'est quand même fou. Et tu peux même pas les envoyer au Niger. Les 1500 places qu'il y a dans ces camps de réfugiés au Niger sont pleins. Il n'y a rien à faire. Les camps de transit. Ouais. Nous, on a essayé de faire du plaidoyer pour certaines personnes qui étaient vraiment victimes de trafic, pour qu'elles puissent être évacuées directement vers, le Burkina Faso, quoi que ce soit, et ensuite être envoyées vers des pays comme le Canada, la France, l'Allemagne. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est pas MSF qui peut annoncer à un centre de santé où vous avez eu un cas confirmé, donc c'est ça qui a rendu assez difficile. Réunion du service communication au sujet de l'actualité de la semaine. Ok, un petit retour sur Aquarius d'abord ou Gaza ? Peut-être Gaza ? Oui. Grosso modo, là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec cette cohorte donc de blessés. Entre avril et aujourd'hui finalement, parce que les violences continuent à la frontière là, entre la bande de Gaza et Israël. Donc aujourd'hui, il y a en tout, depuis 1er avril, il y a eu 10 000 blessés, dont 5 600 blessés par balle. Parmi ces 5 600, on en a 40% grosso modo qui ont été suivis à un moment ou à un autre par MSF. Ces blessés-là ont à 90% été blessés dans les membres inférieurs, donc lower limbs, avec pour la plupart des blessures qu'on avait définies donc au printemps, d'une sévérité inhabituelle et dévastatrice. Ce qui veut dire prise en charge chirurgicale hyper compliquée, suivi post-opératoire hyper compliqué, besoin de chirurgie reconstructive et prise en charge aussi psychologique, sociale à long terme. C'est des patients qui ont des invalidités sévères. Donc la question c'est, petit A, énorme cohorte, sans précédent dans une réalité comme Gaza. Petit B, les capacités de prise en charge à Gaza qu'on connaît limitées, conséquences de l'embargo. Petit C, risque accru dans cette cohorte-là d'infection, donc de risque d'amputation et autres, en sachant que, est-ce que c'est réaliste d'imaginer que d'un coup, plein de chirurgiens, du matériel spécialisé, de quoi construire un centre de chirurgie reconstructive dans Gaza va être autorisé ? Groupe en interrogation. L'autre option, qui est celle qu'on regarde, nous, est essayer de négocier une sortie de la plupart, enfin d'un grand nombre de ces patients vers, alors certains disent l'Égypte, d'autres disent Israël, d'autres encore notre hôpital à Amman, enfin les faire sortir de Gaza. Là aussi, est-ce que c'est réaliste d'imaginer que, allez, au bas mot, 700-800 personnes vont être autorisées de sortir, alors que l'année dernière, c'était 6 patients admis à Amman de Gaza. Voilà, à voir. C'est un problème à la fois massif, et à la fois d'une complexité sans précédent dans la réalité de Gaza. En fait. On l'a déjà un peu dit quelque part, et puis il y a les de témoignage, la tribune de Dr Abou Abed qui est sortie là en fin de semaine dernière, et de fait il dit déjà un peu ça. Mais là la question ça serait de dire la même chose mais en mode alerte finalement, pas de faire prendre aussi conscience que en fait c'est absolument ingérable et que c'est des c'est les vies entières de ces personnes-là qui sont détruites pour de vrai, et que c'est pas juste ils se sont pris une balle dans le genou et ça se répare, c'est que on est en train de voir nos patients pourrir sur place devant nos yeux et que ça continue quoi. Alors il y a extrêmement peu de couverture média là sur les il y a quasiment rien, mais en général depuis le printemps où il y a eu pas mal de choses, il y a plus rien, on est dans un tunnel où on parle surtout de Gaza, surtout médias internationaux. Fermagone, vous dirigez la communication ici à MSF. C'est quoi les enjeux de cette communication et surtout comment est-ce que vous articulez à la fois l'action sur le terrain de soigner des gens et ici de témoigner et de prendre la parole ? D'où on parle MSF, quand on n'est pas une agence de presse, on n'est pas une agence de presse, mais quand on se donne un rôle, parce que c'est quand même inscrit dans la mission sociale désormais d'MSF, le témoignage comme un pilier de la mission sociale, donc on se donne quand même un rôle actif de témoigner, de relayer auprès du grand public la situation de détresse des populations auxquelles on tente d'avoir accès. Être connu, reconnu du grand public, c'est aussi une condition vitale pour MSF dans la mesure où on est financé à 95 ou 16% par des fonds privés. Donc, de fait, notre rendu de compte naturel, il se fait auprès de l'opinion publique. Donc ça veut dire que, indépendamment même de la fonction très utilitariste que peut avoir la communication au service d'objectifs précis, rendre compte de nos expériences de terrain, participer à la description informée des situations de crise dans lesquelles on intervient, relayer les témoignages de terrain, ça devrait être considéré comme une hygiène quotidienne. Quand on pense aussi que la communication, pour le coup, parce qu'on l'a vu dans notre histoire, a un effet levier, l'Éthiopie en 85, quand on a dit qu'on voulait pas servir d'appareil logistique à une entreprise de déportation massive de populations mortifères, ou le Rwanda en 94 quand on a dit on soigne pas un génocide avec des médecins. Voilà, donc c'est un sujet permanent au sein de la com et entre la com et puis les opérations qui encore une fois ont de bonnes raisons de se poser davantage encore de questions que nous les gens de la com sur faut-il vraiment parler de ça. À MSF Clermagone, il y a le CRASH, le centre de réflexion sur les actions et les savoirs humanitaires. Donc on y critique, on y débat, mais est-ce qu'au fond la critique, ça fait pas partie de votre ADN, d'une culture générale de votre ONG ? Oui, alors j'espère qu'il y a action, réflexion critique, parce que la réflexion critique c'est censé aider au pilotage finalement des actions. Donc oui, j'aime à le croire qu'MSF a ça dans son ADN. En tout cas, c'est quelque chose qu'on est nombreux, je pense, au sein de l'organisation à tenter de garder vivant et qui nous distingue d'autres organisations. Est-ce que vous pourriez prendre un exemple sur le type de compromis que vous faites sur le terrain pour être plus efficace, pour être plus efficace pour les populations? À partir du moment où on sait que pour arriver à faire quelque chose d'utile pour les gens, il faut arriver à trouver des intérêts communs, donc repérer les intérêts divergents entre des groupes armés, des pouvoirs, etc. Qu'est-ce que c'est que la notion de compromis acceptable? Jusqu'où on s'arrête et qu'est-ce qui constitue le cœur de nos négociations humanitaires? On peut parfois participer à une entreprise de domination dont il faut savoir s'extraire. Voilà, donc cet intérêt-là, comment il se confronte à l'intérêt des talibans en Afghanistan, des chebabs en Somalie, du gouvernement nigérian en pleine épidémie de méningite, voilà. Est-ce que vous pourriez expliciter le cas nigérian ? On voulait faire des opérations de lutte contre le choléra et on se heurtait au fait que les gouvernements au nord du Nigeria ne voulaient pas entendre parler de choléra et de rougeole parce que ça les renvoyait à leurs insuffisances. Et bien que pour tenter d'améliorer nos négociations avec eux sur ces aspects-là, on a répondu à des épidémies de méningite dont on savait qu'elles ne sauveraient que quelques dizaines de vies, mais que pour le gouvernement, ça nous ferait bien voir auprès d'eux. Avec le recul, on n'aurait pas dû faire ça. Donc il y a quand même des moments ou même parce que vous êtes en train de négocier, parce que vous savez que pour accéder aux populations, il faut fermer les yeux sur telle ou telle situation, fermer les yeux sur le fait que vous êtes dans un hôpital, mais vous savez qu'à côté, ça torture, et que, d'accord, vous n'arrivez pas vraiment à aider les gens aujourd'hui, mais peut-être que dans un an, peut-être que dans deux ans, mais qu'en attendant, du coup, vous êtes un peu l'idiot utile des pouvoirs, bah, dans ces moments-là, il faut avoir la seule vraie liberté qu'a l'action humanitaire, enfin, en tout cas, que nous, on a MSF. La seule vraie liberté qu'on a, c'est de s'abstenir et de ne pas intervenir dans un endroit. Comment on se positionne par rapport au diagnostic des Nations Unies, famine au Yémen, besoin de... Réunion du crash au sujet du Yémen. Famine ou pas famine ? Enfin, la famine, ça déclenche tout de suite les budgets de l'aide des Nations Unies. Enfin, ça te fait passer d'une catégorie à une autre. Donc, comment se positionne le diagnostic de Rassan était de dire non, on ne voit pas une fréquentation différente dans nos centres de santé, dans nos centres nutritionnels plus qu'elle était les années précédentes. Les gamins malnutris qu'on voit, c'est ceux qui ont des pathologies associées. Il y a une paupérisation générale de la population, mais on n'est pas dans un épisode aigu de crise nutritionnelle. Et là, donc, le diagnostic, quelque part, on ne le partage pas vraiment. Par contre, qu'est-ce que ça produit, ces appels à l'aide ? Est-ce que même si on ne partage pas le diagnostic, est-ce que finalement les appels à l'aide ne vont pas déclencher encourager à la mobilisation de financements supplémentaires et au final bénéficier à l'ensemble de la population, etc. etc. Ouais. Et ce que disait Rassan, c'est que oui, pour l'instant, il n'y a pas de distribution générale de bouffe. Mais que éventuellement ça pouvait c'était aujourd'hui à l'ordre du jour, mais que le principal effet de ces appels à l'aide, c'est que les budgets augmentent et que il est englouti en grande partie dans des projets fantômes, ouais. Il faut toujours partir du fait qu'une escroquerie en appelle une autre. Tu commences à tricher dans un domaine, je vois pas pourquoi tu t'arrêterais de tricher. Ça fait des années qu'ils racontent n'importe quoi sur le Yémen, plus grande crise humanitaire depuis la guerre mondiale quand même. Hein. C'est quand même ça le discours. C'est hallucinant ce qu'ils racontent comme conneries. Ce que je ne comprends pas, c'est que les chiffres de mortalité ne sont pas trop. Ronny Broman, vous aviez dirigé MSF de 1982 à 1994. Et vous êtes toujours présent au sein de l'ONG puisque vous faites partie du crash. Est-ce que la famine au Yémen, c'est un argument marketing utilisé par certaines ONG ou par les Nations Unies pour récolter de l'argent ? Alors, au Yémen, il y a une dimension de marketing. Il s'agit de gonfler une situation ou de transformer le plausible en factuel, disons. C'est-à-dire, ce qui est plausible, c'est que dans un pays qui est depuis des années en guerre, qui est un pays aride, pauvre, qui, lorsqu'il est dans une situation stable, importe la quasi-totalité de ses ressources, en tout cas de ses ressources alimentaires, de ses vivres, la famine est effectivement une situation plausible. Mais il se trouve que MSF, qui est quand même bien installé au nord et au sud du pays, dans tout ce qu'on appelle le Yémen utile, entre guillemets, nous ne voyons pas les effets de cette famine, nous ne voyons pas la réalité de cette famine. De là à dire que la famine n'existe pas, il y a un pas qu'on ne franchit pas. Mais en tout cas, de là à dire que le pays entier est en proie à la crise la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a aussi un autre pas qu'on ne franchit pas. Cette espèce de surenchère que moi j'appelle du marketing destiné à agiter un drapeau, à attirer l'attention pour gonfler des budgets, ça c'est quelque chose de problématique parce que ça affaiblit la crédibilité des organisations humanitaires à force. Hein, c'est l'histoire de Pierre et le loup. On crie à la famine depuis des... Enfin, on crie, MSF non, mais les Nations Unies et quelques ONG veulent alerter sur la situation de famine. Donc c'est plutôt que de parler de marketing, parce qu'après tout, on a besoin de marketing, il ne s'agit pas de stigmatiser une activité comme ça, c'est plutôt la surenchère dramatisante, l'espèce de course à l'échalote, hein, la crise la plus grave, qui est en question. Et pour moi, il s'agit, si on pense qu'on mène une action utile, qu'on fait quelque chose qui peut être décrit, bien d'être rigoureux sur les faits, les cadres analytiques et l'action qu'on y mène. Mais Ronny Broman, tout ce que vous faites sur le terrain, est-ce que c'est uniquement guidé par justement les besoins du terrain et non pas aussi par des préférences que vous avez en interne ici à MSF ? Je pense par exemple à la chirurgie de guerre qui a l'air d'être un tropisme qui fédère les équipes. parfois on a tendance à être excessivement positiviste, c'est-à-dire à laisser entendre que toutes nos actions sont fondées sur une réponse aux besoins, au-delà de tout questionnement, en ne tenant pas compte du fait que les besoins sont très diversifiés et que à tel moment, dans une situation de guerre par exemple, ça peut, le cas s'était posé en Syrie, l'interruption des soins ordinaires, des soins chroniques, les diabètes, les hypertensions, qui, lorsqu'elles ne sont pas traitées, sont cause de mortalité très élevée, ou problèmes nutritionnels, ou de protection materno-infantile, étaient reléguées à l'arrière-plan, derrière la noblesse, si j'ose dire, de l'acte chirurgical qui, pour tout le monde, est l'évidence même. En situation de guerre, les blessés arrivent, là, on les déchoque, on les envoie au bloc, on les réanime après. Enfin, une espèce de séquence un peu mâche qui est présente dans nos esprits et que nous-mêmes, on fait vivre et qu'on prend comme ça avec, disons, un peu de... Parfois, on se moque de nous-mêmes. Mais enfin, on aime ça et après tout, on se rend utile. C'est pas la... Mais il est important de savoir que cette utilité, elle est guidée par aussi des préférences d'ordre général non liées nécessairement à la situation précise. Hassan Abouchard, vous connaissez l'IMN pour y avoir dirigé plusieurs missions, mais qu'est-ce que fait MSF concrètement sur place ? Aujourd'hui, l'IMN, il y a à peu près 2000 employés d'MSF. Dont à peu près 120 qui sont des internationaux et le reste c'est des Yéménis. La plus grande partie de l'équipe, on peut dire d'habitude 60 à 70% sont des médicaux, des paramédicaux. On gère dans le Yémen aujourd'hui envers 16 hôpitaux et le supply pour tout l'acheminement des biens sur le Yémen qui est difficile aujourd'hui. Une grande partie des routes et des ponts sont détruits dans le pays, alors circuler c'est difficile. Une grande partie, plus que 50% des hôpitaux sont détruits aussi. Alors avoir des structures médicales pour travailler dedans c'est difficile. Et puis aussi le pays est à peu près fermé de l'extérieur. Les aéroports sont à peu près tous fermés, spécialement au nord du pays où il y a la plus grande partie de la population qui habite dedans. Les ports, il y a une difficulté d'accéder aux ports. Alors nous, par exemple, on a toute l'équipe du Yémen avec les hôpitaux du Yémen et plus de ça, on gère une base sur Djibouti où on fait acheminer tous les médicaments et nos équipes aussi. Alors on est obligé d'avoir un avion privé pour MSF pour pouvoir envoyer les gens dans le pays parce qu'il n'y a pas des vols normaux qui entrent dans le pays. J'ai eu de la chance que pendant l'année où j'étais au Yémen, il n'y a pas eu des attaques directes sur nos hôpitaux. Il y a bien sûr la peur de travailler au Yémen, de travailler dans des hôpitaux. La peur, ça se voit plus sur des gens qui, ça fait longtemps qu'ils sont là-bas, alors les Yéménis spécialement. Alors à chaque fois qu'ils entendent un avion, des Saoudiens, des Émiratis, tous ils partent en courant de l'hôpital. Pour eux, c'est un truc qu'ils connaissent, que les hôpitaux sont bombardés d'habitude. Alors à chaque fois qu'ils entendent un avion, même les patients aussi, ils essayent de partir de l'hôpital. Tu peux pas te protéger, tu peux pas entrer souterrain, te protéger contre une bombe qui descend d'un avion parce que elle détruit tout. Est-ce que l'emblème MSF protège sur le terrain? Si on regarde le nombre d'hôpitaux qui étaient bombardés au Yémen et le nombre d'hôpitaux qui étaient bombardés où MSF travaillait, je dirais que l'emblème, non, ne protège pas vraiment. Une frappe qui est très proche de nous, ou bien une frappe qui nous détruit une partie de l'hôpital, les vitres, ou un truc comme ça. Ça arrive toujours quand il y a beaucoup de frappes sur les civils, en général. C'est la vérité aussi. Ouais. Mais, encore une fois, moi, j'ai eu de la chance de ne pas avoir des grands incidents. Comme une attaque sur un hôpital ou des gens de nos équipes qui sont blessés ou décédés. C'est sûrement une grande pression quand ça arrive, ces incidents-là. Mais il y a une responsabilité de l'organisation qui supporte à l'arrière direct et qui vient à l'aide quand il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais, quelque part, la plus grosse pertinence qu'on peut avoir dans cette mission, c'est la protection. C'est donner des conseils aux gens, leur expliquer tout ça. Parce que l'activité de base, notre activité de base, l'activité médicale, dans les centres de détention, elle est finalement pas très importante. Hormis les quelques brûlures, tu vois, de ceux qui sont rapatriés de la mer et qu'on fait un mélange fioul et eau salée et qui sont brûlés, mais que c'est des brûlures superficielles, oui, qu'on récupère à Rome sur les points de débarquement. Ça, c'est pas des problèmes gravissimes. Il y a peut-être un petit peu de tuberculose aussi, mais elle n'est pas que chez les migrants, il y en a aussi chez les Libyens un petit peu. Mais le problème majeur dont ces gens ont besoin en médecine, c'est de la santé mentale. Mmh. Et tu peux pas dispenser de la santé mentale en milieu carcéral. Ça n'a aucune efficacité. Et comme on ne nous laisse pas les mettre à l'extérieur, dans des shelters, dans des abris, pour pouvoir les traiter, finalement, la seule pertinence qu'on a, c'est de la protection. C'est donc faire pression sur l'HR, aider OIM à faire tout ça, pour essayer de trouver des solutions. Voilà. C'est ça qu'on essaie de faire. Donc on a des agents qui font de la protection et qui vont... À chaque fois qu'ils ont des cas particuliers, poussent le HCR à venir, à sortir de Tripoli pour venir à Homs. Beaucoup d'acteurs internationaux sont à Tripoli. Il n'y en a pas tellement qui vont, tu vois, sur la route et qui se déplacent à l'intérieur du pays. Donc, nous, on est à Misrata, on est à Homs et on fait ce travail. Christophe Bitot, vous venez de passer un an en Libye. Ça fait 15 jours que vous êtes à Paris. Là, vous êtes dans le bureau de Mego Terzian, le président de MSF. On vient d'écouter une partie de votre débrief, on pourrait dire. Donc on a compris les enjeux de ce que vous faites et ce que vous ne pouvez pas faire. La seule question que j'aimerais vous poser, c'est dans quel état vous êtes ? Vous savez, il me semble quand même que quand on travaille chez MSF et qu'on travaille dans des contextes comme ça, ce n'est pas le premier que je fais. Il faut se sentir bien dans sa peau. Et puis il faut aussi savoir faire preuve de beaucoup de flexibilité. On va pas sauver le monde, on va pas sauver tous les migrants de Libye, ni d'Érythrée, ni d'ailleurs, mais voilà, on a un impact malgré tout, mais on ne va pas dans un contexte tel que le contexte libyen sans avoir établi notre toile, quoi. Il faut aussi savoir, malgré tout, de temps en temps, sortir de ce contexte, de cette situation, si on voit qu'on est mis en danger, parce qu'on n'est pas là non plus pour braver tous les dangers possibles et inimaginables. On est encore dans une situation où on garde un peu un profil bas, malgré tout. On n'est pas avec les logos MSF sur les voitures, les drapeaux au-dessus des maisons, etc., etc. Aujourd'hui, vous avez un acteur qui dirige tel ou tel département, autorité libyenne. Demain, il est remplacé par quelqu'un d'autre. Vous retournez voir le suivant. C'est 80% du temps du chef de mission, c'est de discuter et d'analyser le contexte. Voilà. Mego Terzian, vous avez une vision panoramique de tout ce qui se fait dans la maison. Quand vous entendez Christophe qui rentre de Libye, qu'est-ce que vous ressentez, vous, qui êtes là au siège en ce moment ? Pas que moi, mais les membres du conseil d'administration. On est 15 personnes dans le conseil d'administration. On a beaucoup de questions sur la pertinence de notre présence dans ce contexte très dangereux, avec un impact limité sur les populations libyennes ou réfugiées. Est-ce qu'on n'est pas complice finalement avec les autorités libyennes qui détiennent des populations dans des centres de détention, en ayant présence donc dans ces centres ? Est-ce qu'on n'est pas complice ? On a beaucoup de questions, sans avoir malheureusement des réponses. Mais au moins, personnellement, je suis en faveur de maintenir nos équipes en Libye. En étant présent, au moins on pourra témoigner, dénoncer ce qui se passe comme injustice, violence vis-à-vis de ces populations marginalisées. Marginalisées par les autorités libyennes, par les populations et aussi même par les agences humanitaires des Nations Unies qui jouent le jeu des autorités libyennes et qui tolèrent donc la détention dans des conditions déplorables de ces populations. C'est dans notre ADN de témoigner, prendre parole et dénoncer les violences commises notamment vis-à-vis des populations civiles. En même temps, on sait qu'on a des équipes qui travaillent dans des zones très sensibles. Donc c'est une tâche très difficile. Mais on arrive. Nous, on lâche pas. On continue. Et lors de nos prises de parole publiques et lors des réunions avec les autorités européennes ou autres, on continue à plaidoyer pour améliorer les conditions de ces populations. Pour l'instant, sans résultat, Mais Christophe Bitot, que font sur place les personnels du HCR, le Haut Comité aux réfugiés, et ceux de l'OIM, ceux qui sont chargés des migrations ? Ils sont très peu, les personnels internationaux, qui vont dans les centres de détention. Donc, que fait le HCR ou l'OIM ? Ils mandatent du personnel de Homs ou de Misrata, libyen, pour aller faire ce travail-là. Mais ils ont un contrôle extrêmement limité sur l'efficacité de ce travail. Ils n'en sont pas complètement les responsables, c'est aussi leurs règles de sécurité qui font qu'ils ne prennent peut-être pas non plus les mêmes risques que MSF pour aller au plus près des problèmes. Donc, et puis bon, aussi, voilà, ils sont aussi beaucoup à Tunis, ils ont des gros budgets à dépenser. Je pense que il faudrait, ce qui serait souhaitable de leur part, c'est surtout de dénoncer et d'être capable de dire qu'ils n'ont pas cette efficacité. Ils font souvent de la publicité ou des photographies. C'est tellement facile de présenter une photographie sur Twitter d'une maman qui est arrivée en Italie avec son petit bébé et de dire qu'ils ont été rapatriés, enfin, ou évacués par le HCR. C'est tellement simple. Ça, c'est l'appel d'air. En revanche, ça, c'est un véritable appel d'air. Parce que ça, sur Twitter, c'est partout après dans ces pays-là. Mais ils devraient aussi être capables de dire que quand il y a des gens qui sont interceptés en mer et qui sont ramenés en Libye, certains disparaissent. Et ça, ils ne le disent pas. Ça vient de commencer à être fait par l'OIM qui dit « il y a quand même des choses pas claires qui se passent aussi sur ces points de débarquement ». Ils l'ont écrit, ça fait 2 mois, 3 mois, mais ça fait des années que ça dure. Donc oui, nous aussi, notre rôle, c'est de les influer pour qu'ils essayent de changer un petit peu cette chose et d'être beaucoup plus efficaces. Ils le doivent. Ils le doivent, cette initiation de droit international, et c'est leur charte aussi. Droit international humanitaire, la prestation toute personnelle de Ronnie Broman face aux responsables des opérations. Eh ben, on t'écoute, Ronnie. Je ne vise pas du tout à éliminer le droit humanitaire de notre discours et de nos réflexions, mais plutôt à le retenir, à contenir son expansion. De même pour les principes, il ne s'agit pas de dire qu'on balance tout ça par-dessus bord, mais de voir finalement quelles questions il devrait faire monter pour en avoir un bon usage. Ben, on est neutre, on est indépendant, on est impartiaux, donc on est humanitaire, donc on fait du bon boulot, etc. Reste plus qu'à veiller à la qualité des médicaments, et puis tout va bien. Or, il y a des questions plus profondes qui se posent, disons, de l'ordre de l'éthique de l'action qu'on doit mener. Alors, je commence le début. Vous avez assisté cet après-midi à une discussion sur le droit humanitaire suite à un papier un peu, disons, polémique que j'ai écrit sur les limites et les contenus problématiques du droit humanitaire comme droit de tuer, comme license to kill, parce que comme une sorte de nécro-éthique, si vous voulez. C'est comme ça que je voulais problématiser le droit humanitaire. Bien, pour nous, ça peut aller de soi qu'on prend des distances avec le droit humanitaire et donc on prend nos distances avec un certain discours du CICR, c'est un discours de promotion du DIH, comme on dit, qui est selon moi aussi un discours de promotion de la guerre. Et moi, j'avoue que je trouve très ennuyeux, très même choquant que MSF, par distraction, commence à s'inscrire dans cette dynamique de promotion de la guerre. Et ça, c'est lié à ce rapprochement institutionnel entre deux grosses organisations, MSF, qui est devenue une des premières ONG dans le monde, si on met ensemble toutes les sections nationales, donc les deux mastodontes, si on veut, qui se rapprochent dans une position dominante. La CICRisation, c'est-à-dire, d'une certaine manière, la judiciarisation du discours et des pratiques de MSF, sont pour moi un problème très sérieux qu'il faut, mais qu'on peut résoudre. Bon, comment ça va, Betty? Comment ça s'est passé, ta mission? Très bien, fatigant, mais très bien. Non, t'es parti combien de temps, rappelle-moi? C'était 1 mois. Bon. Et toi, tu connaissais Ebola? T'avais déjà travaillé? Oui, j'ai déjà travaillé, c'était mon 3e. Ouais. Un peu particulier, là, avec les problèmes de sécurité? Oui, bon, ça, c'était la première fois comme ça. Mais... Donc là, il y avait un cas Oui, c'était. Mais il a été confirmé, vous avez pu le prélever après le décès. C'était en fait après le décès. Là, c'était très stressant en fait parce qu'il n'est suivi. Tu t'es sentie exposée? Oui. Comment, t'as pas été malade? Tu surveilles ta température toujours deux fois par jour? T'étais oui, particulièrement oui, exposée, oui, Cathy, oui, donc oui, oui. T'as pas eu de... Ça dépasse pas 37,5? Non, jamais. Okay. Non. Et là, nos touches policiers sur le terrain, ça a été? C'était pas trop lourd? Moi, j'aime pas suivre les règles, c'est pour ça que j'aime... Je suis pas mal à Ebola. Moi, je suis les règles, je suis... Je te redonne mon numéro de téléphone. Mmh. Je suis joignable 24 sur 24. Ok. Donc, s'il y a la moindre chose, une fièvre, 37,5 et plus, bien sûr, tu m'appelles. Ou tu appelles le 15, mais de toute façon, il faudra faire les deux. En fonction des symptômes, soit ils décident de t'envoyer une ambulance qui est adaptée au transport et ils t'emmènent à l'hôpital jusqu'à ce que tu sois dépisté, prélevé. D'accord? Ok. Merci beaucoup. Delphine, vous faites quoi dans ce box au bout du couloir? Là, depuis début août, il y a eu une épidémie d'Ebola en région Équateur, en RDC, dans la région de Beni. Et donc, je suis en charge de faire les briefings et les débriefings des personnes. Parce que chez Médecins Sans Frontières, il y a des médicaux, des paramédicaux, mais aussi des non-médicaux, comme les Watsan, tous les logisticiens, les administrateurs, donc qui ne connaissent pas forcément le virus et les modes de transmission. Donc je leur explique un petit peu le fonctionnement du virus, le mode de transmission et donc les précautions à prendre sur les terrains Ebola. Notamment une précaution qu'on appelle la no-touch policy, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de se toucher. Il y a un périmètre de sécurité et il n'y a jamais aucun contact entre les personnes sur le terrain. Une autre salle, une autre réunion sur les modes d'intervention concernant toujours Ebola. Il doit être à côté de lui pour le techniquer, pour le monitoring. Tu as différents prélèvements à faire avant l'administration du traitement et aussi dans le suivi. Donc ce que nous font le retour des équipes, c'est que tu dois avoir un personnel soignant à côté du patient pendant toute la durée de la perfusion de ZIMAP. Et c'est des perfusions de 8 heures. Et sur 3 jours. Et actuellement, par exemple, sur tous les centres de traitement Ebola où il y a les traitements expérimentaux, actuellement, on ne peut pas passer le ZIMAP. Donc ça, c'est un des avantages de la bulle, de pouvoir suivre ton patient à travers la paroi transparente et sans tout l'équipement de protection cosmonaute, ce qui justifie d'être moins de soignants. Michael Nomen, vous dirigez le CRASH. L'épidémie d'Ebola a ressurgi cette année en République démocratique du Congo. Il y a 4 ans, c'était au Liberia, en Sierra Leone. Est-ce que vous pouvez me raconter le débat de l'époque au sein d'MSF, un débat que vous aviez vous-même initié sur la façon de prendre en charge les patients? Pour revenir à 2014, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que y a un certain nombre de critiques qui se font jour sur la manière dont MSF travail en Afrique de l'Ouest et la qualité de la prise en charge. Des questions autour de techniques médicales, de l'hydratation des patients, d'une médecine pas assez proche du besoin des patients individuels. Il faut restituer l'environnement que pouvait être Monrovia ou certains centres de traitement Ebola à Monrovia, avec des patients qui arrivaient tout le temps, un manque de place, les téléphones étaient systématiquement confisqués, plongés dans le chlore, les patients ne pouvaient recevoir aucune visite, donc une difficulté physique, logistique à gérer tout ça. Donc Ebola, parce que c'est compliqué, parce que c'est très incertain, parce que c'est dangereux, parce qu'effectivement on a aussi une projection médiatique considérable, est intéressante parce que ça montre la difficulté d'émettre, y compris au sein d'une organisation qui finalement se dit assez ouverte à la critique, montre les difficultés parfois en situation d'émettre cette critique. Et donc les choses, évidemment sur le front d'Ebola, se calment un peu. Mais un certain nombre d'enseignements sont tirés et donc on publie comme ça un article pour revenir sur une opération dont on estime collectivement, ici en tout cas, qu'elle a coûté très très cher et dont le bénéfice pour la population est, disons, discutable. Mais concrètement, Si on devait résumer l'apport critique sur l'opérationnel aujourd'hui, on a l'impression que le soignant s'est rapproché plus du patient. Oui, on peut dire ça. On a vu aussi que ces réflexions sur une médecine qu'on voyait de manière un peu vétérinaire, alors c'est encore une fois, c'est évidemment des termes assez durs, mais on tend aujourd'hui à essayer de s'en éloigner. On voit des collègues d'une organisation qui s'appelle Alima, qui a mis en place des bulles, un peu sur le mode finalement des bulles stériles, qui permettent aux patients Ebola d'être moins isolés de l'extérieur, d'avoir des contacts visuels avec sa famille, de permettre aux soignants d'avoir des contacts visuels et de pouvoir intervenir sur le patient de manière protégée, plus légère que c'était le cas avec les combinaisons habituelles, les scaphandres un peu qui font ressembler les soignants à des extraterrestres. Un accent évidemment qui doit être toujours le même sur la sécurité du personnel soignant, mais sans que ce soit au détriment de l'autonomie du patient. Donc, tu bouges. Toi, c'est où, Arcea, Carnot? C'est le projet Arcea. Je te montre le... T'as combien d'expats sur ton... 10. 10 et tes staff nat? 170. Donc t'as une grosse équipe. Toi, c'est clair sur ton rôle sur la sécu en tant que PC? Briefing sécurité avant le départ de Kitri, chef de projet, par Mathieu Chantrel. Tu vois, il y a des moments où tu vas devoir prendre des décisions, tu vois, est-ce qu'il faut y aller? Alors t'as des informations qui sont pas très bonnes et des fois, c'est toi qui dois trancher. Et c'est toi de récupérer les informations, quoi. T'as une grosse partie à aller serrer les paluches et tout ça, mais c'est de voir aussi dans ton projet, comprendre qui a du réseau, quoi. Tu as notamment ton staff nat, qui a un contact avec l'église là-bas, qui a un contact avec le leader, comment tu peux utiliser ça, quoi. En Centrafrique, t'as l'avantage, c'est que tu peux aller vraiment discuter direct avec les personnes, et souvent c'est les PC quand même qui vont beaucoup discuter, mais tu vois, il faut comprendre un peu ça, donc. Je ne sais pas si tu auras des médecins ou des localisés. Tu n'auras peut-être pas de projet d'assistant là-bas. Il y a une trentaine de délocs. Tu as des délocs? Ouais, il y en a une trentaine qui viennent de Bangui apparemment. Beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers, je pense, viennent de Bangui. Et tu as des assistants? Bah, c'est ouais. Il n'y en a pas. Donc tu vois, il faut voir dans ton équipe qui va pouvoir te... Ça, il faut l'identifier, quoi, tu vois. Bon, moi, ce que j'en ai cru comprendre à Carnot, c'est que c'est plutôt fonctionnel et organisé hein, au niveau de... Il y a un commissariat qui fonctionne, il y a une institution judiciaire qui fonctionne, il y a un maire qui est en place. Enfin, ça n'a pas l'air d'être trop déstructuré. Ok. Donc, tu as le plan Sécu, tu travailles avec les. Tu le fais en commun. Pour le faire en commun, c'est pour être sûr que. Bah, déjà, qu'on ait les avis des gens qui connaissent mieux le contexte, c'est-à-dire le staff NAT, tu vois, et des gens avec qui on travaille, avec les gardiens, les chauffeurs et tout ça. Comme ça, toi, en tant que PC, c'est de sentir un peu de quoi ils ont peur, c'est quoi qui les préoccupe. Ça te permet de sentir aussi tout ça, quoi. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ce qui peut être très différent de nos propres préoccupations et peurs, quoi. Ben ouais, mais tu te rappelles, non, t'étais pas là, mais celui à Kayara, qu'on avait fait à Kayara en Irak, c'était vraiment caricatural, quoi. Où t'avais les expats qui avaient peur de l'État islamique, qui sont à 50 bornes, et t'as le staff NAT qui, eux, c'est les milices chiites qu'on a dans l'hôpital tout le temps, quoi. Donc en fait, c'est ça te permet de mesurer, parce que sinon, c'est biaisé. Si c'est toi qui le fais tout seul, c'est biaisé. Kitri, vous partez en Centrafrique bientôt. Quelles autres expériences sur le terrain vous avez avant? Ah, moi, je suis partie au Sud-Soudan, il y a 3 ans. Ensuite au Nigeria et au Mozambique et en Irak. Donc des contextes sécuritaires plutôt élevés, on va dire, et instables. Vous aviez quoi comme poste dans ces pays différents? Plutôt tourné ressources humaines et finances. Donc là, on entend que vous partez sur un poste de coordination, de projet. C'est ça. Donc vous avez grimpé dans la hiérarchie, on pourrait dire. C'est ça. Et surtout, je dirais que c'est un virage, surtout plutôt un changement des responsabilités. Puisqu'on va couvrir l'ensemble des différents domaines en fait, du projet. Donc les ressources humaines, les finances, mais la sécurité, la stratégie du projet, la logistique et l'activité médicale. Donc voilà, c'est plus une position transversale. Avant ces 3 ans à MSF, vous faisiez quoi? J'étais avocate en droit du travail à Paris pendant 7 ans. moi, je voulais avoir une expérience professionnelle classique avant l'humanitaire. parce qu'on ne sait jamais trop en fait où l'humanitaire va nous amener. Alors bah, y a ceux qui mordent et qui n'en sortent pas, et puis bah, y a ceux qui vont finalement faire qu'un petit bout de chemin et revenir après dans des professions un peu plus classiques. C'est prudent, on va dire, que d'avoir une expérience avant aussi. Est-ce que vous sentez que vous êtes mordu ? Après 3 ans, oui, je pense. Et puis là, je m'apprête à partir pour 1 an en Centrafrique, donc je pense qu'il faut l'être un peu. Il ne faut pas non plus avoir le syndrome du bon samaritain. Voilà, je pense qu'on donne ce qu'on peut donner, mais il faut aussi faire attention à soi-même. Donc, et je pense que c'est ça qui fait qu'on peut s'inscrire dans la durée. Kitri, comment est-ce que vous envisagez votre rôle d'Européenne qui débarque pour soigner des populations africaines ? Alors, c'est là où il faut toujours faire attention à ne pas tomber dans de l'humanitaire un peu colonialiste. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une critique qui peut nous être adressée, de pas justement arriver avec des gros sabots en disant ben nous on arrive dans un pays défavorisé, on sait tout faire, on sait ce dont vous avez besoin. Et je pense que c'est là où l'organisation en tant que telle et chaque individu au sein de cette organisation se doit de faire attention. D'où la proportion de ce que vous appelez les staffnat, le staff qui est d'origine locale. Qui est majoritaire, hein, qui correspond à 90% des équipes. Vous, Mathieu Chantrel, vous en pensez quoi ? Même si on a encore beaucoup de travail à faire, je pense, au niveau des MSF, au niveau des organes où se prennent les décisions pour avoir un peu plus de mélange, il y a du travail, ça avance, mais il y a encore du travail. Mais en fait, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que le fait d'être étranger, des fois, c'est utile aussi. C'est-à-dire que ça enlève une certaine pression pour des prises de position ou des négociations avec des acteurs armés ou même non armés, mais qui sont un peu plus difficiles. Le fait d'être étranger, bon, on est détaché de pression locale. Du coup, ça nous permet d'aller un peu plus loin. C'est une force, au final. Après, chez MSF, moi, je ressens pas ça comme des Européens qui vont prêcher la bonne parole ou faire les bonnes actions. C'est plus comment, avec les équipes locales, comment ensemble on arrive à faire avancer la chose pour essayer d'aller plus loin. Ronny Broman, que pensez-vous de l'expression « empire humanitaire » ? Un empire humanitaire qui se serait créé à la fin de la décolonisation pour donner un autre pouvoir à non plus des soldats ou des administrateurs coloniaux, mais cette fois-ci à des médecins. Un empire humanitaire qu'il faudrait aujourd'hui décoloniser. Empire humanitaire, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, je pense qu'il y a une certaine dimension impériale, des restes de pensée coloniale ou impérialiste qui imprègnent des gens comme nous, qui sommes issus de pays autrefois coloniaux, et qui, dans l'idée qu'on fait du bien, s'ancre dans une autre idée que ce bien est universel, que sa forme est clairement identifiable et que tout le monde doit en passer par les mêmes cadres de pensée morale, par la même ligne de partage entre le bien et le mal, entre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Et donc de ce point de vue-là, oui, je pense qu'il y a un certain impérialisme inconscient des humanitaires, persuadés de, pour certains en tout cas, de véhiculer des valeurs universelles et donc qui ne doivent pas rencontrer de résistance. Quoi. On est une sorte de camp du bien qui s'opposerait au camp du mal. Et ça, c'est une réduction simplificatrice qui est trompeuse, qui nous coupe des réalités beaucoup plus subtiles, beaucoup plus diffuses du terrain. Donc oui, il existe un certain impérialisme humanitaire, mais je crois que ce serait accorder beaucoup trop d'importance à l'humanitaire que de parler d'un empire humanitaire. Vous savez, l'économie de l'humanitaire au sens financier, c'est quelque chose comme 2/3 de l'industrie mondiale du yaourt. Donc voilà, ça donne une bonne idée des proportions. Donc l'humanitaire, c'est symboliquement important, c'est matériellement important pour ceux qui en bénéficient lorsque celui-ci est efficace. Donc loin de moi l'idée de diminuer cela parce que ça n'occupe pas une place immense, mais il faut le resituer au niveau global, à la place qui est la sienne, c'est-à-dire une place relativement marginale, et c'est très bien comme ça, il n'y a pas besoin d'être au centre pour faire quelque chose. Claire Magon, où va l'humanitaire ? Il y a l'humanitaire et il y a MSF. J'ai un attachement vraiment particulier à Médecins Sans Frontières, parce que c'est quand même une des rares organisations vraiment encore très tournée vers l'action de terrain. Et d'une manière générale, dans l'humanitaire au sens large, je trouve qu'il y a une tendance à la déréalisation. Donc si je fais le bilan un peu, moi, de mes 20 ans passés plus ou moins dans l'humanitaire, beaucoup d'organisations ont pris le pli, pour plein de raisons, institutionnelles, la sécurité, enfin il y en a plein, mais de passer de l'action de terrain à le droit à militer pour le droit à la santé, pour le droit à l'alimentation. Voilà, finalement, vouloir s'attaquer aux racines du problème plutôt qu'à leurs symptômes. Donc, toute une évolution lente qui éloigne, en fait, des situations réelles des gens. Donc, je trouve qu'MSF continue à faire cet effort-là. Et donc, moi, c'est à cet effort-là que j'ai envie de participer. Il y a encore une place pour ça, c'est-à-dire d'être au plus près des réalités spécifiques pour éviter, finalement, d'être à ce point dans des grandes généralités que vous finissez par faire partie du système réellement, quoi, plutôt que de tenter de pointer la lumière sur ces zones d'ombre. Ces zones d'ombre dont vous parlez, est-ce que ça pourrait être les abus sexuels de l'année passée ? Comment est-ce que vous, justement, ici à MSF, vous avez vécu les choses ? Alors, sur la question des abus sexuels, il y a ce qu'on a fait et la question de la séquence médiatique, qui sont deux aspects séparés. MSF a toujours plus ou moins fait sur la question des abus sexuels et fait quand même pas mal à partir de 2002. À partir, c'était à la faveur d'un autre scandale, finalement, le scandale des abus sexuels dans les camps de réfugiés en Afrique de l'Ouest. C'était une enquête de Save the Children dans les camps dits de la Mud River, Guinée, Libéria, Sierra Leone, qui avait mis le doigt sur des histoires d'abus de pouvoir et d'abus sexuels au sein des camps de réfugiés. Et pour MSF, qui travaille dans ces camps-là, ça a favorisé une accélération non seulement de notre prise de conscience, mais d'actions concrètes destinées à protéger, et c'est le cœur de notre mission sociale, j'ai envie de dire, les gens qu'on aide, des possibilités d'abus, de toutes sortes, d'abus de pouvoir, dont les abus sexuels. Et donc, à partir de 2002, on a mis en place des mécanismes concrets, basés sur alerte, investigation et sanctions, qu'on a continué à tenter d'améliorer au fil des ans. Ça, c'est pour ce qu'on faisait. D'ailleurs, nous, à MSF France, la question des abus dans le rapport moral du président, ça fait 15 ans que c'est une section de notre rapport moral. Donc, pour nous, ça n'a jamais été un sujet tabou. Et donc, quand le scandale, avant même que le scandale Oxfam éclate, il y a des agences de presse qui nous avaient demandé. Et vous en êtes où avec cette question-là ? Donc, nous, et là, j'ai envie de dire avec le recul, un peu naïvement, on a dit, voilà, cette année, on a reçu tant d'alertes, tant de cas. Et au moment du scandale Oxfam, on s'est retrouvé avec une dépêche de l'AFP qui disait, après Oxfam, MSF éclaboussé par des scandales sexuels. Mais non, on n'est pas éclaboussé par des scandales sexuels, on vous explique comment ça marche, en fait. Il y a eu quand même une gestion sensationnaliste et, j'ai envie de dire, tabloïdante de ces questions sérieuses qui, du coup... Parce que moi, on s'est retrouvé avec des tas de journalistes qui disaient « Mais alors, on veut savoir qui, quoi, où, combien, quelle nationalité, pourquoi et comment peut-on avoir des abuseurs dans l'humanitaire ?» Et on disait « Mais c'est précisément parce que institutionnellement, on se sent une responsabilité particulière, qu'on est dans des environnements, par définition, où les recours sont limités, où la possibilité d'abus, elle est rendue réelle par le fait qu'il y a les aidants et les aidés. » Enfin, c'est parce qu'il y a tout ça comme circonstance qu'on se donne cette responsabilité institutionnelle, mais plus on essayait de s'en expliquer, plus on sentait qu'on pouvait faire partie de ceux qu'on pointe du doigt comme une organisation abusive. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, mais finalement, c'est ceux qui en parlent le moins qui vont s'en porter le mieux, et c'est quand même dommage de finir par raisonner comme ça. Ronny Broman, où va MSF ? En 10 ans, votre ONG a multiplié par 3 son budget pour atteindre 1,5 milliard d'euros. Et à côté de MSF France, il y a 4 branches, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne. En tout, 45 000 personnes travaillent pour vous. Bref, est-ce que vous êtes devenue une multinationale du bien ? On est en train de passer là un moment critique. Enfin, on est en train de franchir la limite au-delà de laquelle la machinerie finit par tourner pour elle-même dans un bon nombre de dimensions de l'action. C'est la bureaucratisation de votre ONG. Oui, la bureaucratisation, mais disons, il y a nécessairement une dimension bureaucratique. Il y a nécessairement une administration, des services de support, sans quoi on ne fait pas vraiment un travail correct. Mais il y a aussi une dimension d'auto-alimentation, volonté de persévérer dans son être, de mettre au premier plan la protection de l'institution plutôt que la poursuite de l'action. Il y a un niveau de taille auquel ce contrôle n'est plus possible. Et il me semble que c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est quand même un comble pour une organisation humanitaire de devenir une pure machine. Médecins sans frontières, réfléchir avant d'agir. Et après, tu as une douane à faire ? Oui. Avec Claire Magon, directrice de la communication, Mégo Terzian, président de MSF, Ronny Broman, cofondateur de MSF, Michael Neumann, directeur d'études au Crash, Mathieu Chantrel, chargé de la sécurité, Christophe Bito, chef de mission en Libye, et Hassan Abouchar, chef de mission au Yémen. Remerciements à Sia Chehab du service de presse d'MSF. La série documentaire, réalisation Vincent Deck, un documentaire de Michel Pomared. Juste une question, Alexandre. Vous partez donc à Amman. Oui. Vous êtes chef de mission. Oui. Dans votre valise, qu'est-ce que vous ramenez qui vous manque vraiment en Jordanie ? De l'épicerie japonaise. Donc de quoi faire des sushis, des apéros japonais. Voilà. J'aime bien la bouffe japonaise et donc j'ai été faire quelques courses ce matin. Bon voyage. Merci. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter sur le terrain, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, l'histoire du CICR. Et pour plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, La fabrique de l'histoire, Création en air, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.